La place Kim Il-sung a abrité le 2 juillet le rassemblement militaro-civil de la ville de Pyongyang pour féliciter le maréchal Kim Jong-un de sa promotion au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Y ont pris part Kim Yong-nam, Fang Byung-so et Choi Ryong-hae, ainsi que les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les officiels des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères et établissements centraux, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les officiels, les travailleurs, les jeunes étudiants des organismes, usines, entreprises et écoles supérieures de la ville de Pyongyang, les compatriotes d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste, ainsi que le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Kim Yong-nam, membre du comité permanent du bureau politique, du comité central du Parti du Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a fait un rapport. Il a dit « La promotion du respecté camarade Kim Jong-un à la magistrature suprême de notre République, à la 4e session de la 13e législature de l'Assemblée populaire suprême, entourée du soutien et de la confiance absolue de tous les militaires et civils, est un grand événement révolutionnaire d'une portée historique pour manifester dans le monde le prestige et la puissance de la grande nation Kim Il-sung et de la Corée Kim Jong-il et parachever la cause révolutionnaire du Tse commencée au Baekdu. La victoire et la gloire sont toujours promises à nos militaires et civils qui s'avancent sous la direction du Parti Travail de Corée invincible, guidé par le respecté camarade Kim Jong-un, grand homme sans égal. Tous sont invités à s'unir fermement autour du respecté maréchal et à marcher en avant pour la prospérité de notre République, la victoire de l'édification d'une puissance socialiste, la réunification du pays et le parachèvement de la cause révolutionnaire du Tse. Ensuite, il y a eu les allocutions de Kim Gi-nam, membre du bureau politique et vice-président du comité central du parti, du général d'armée Park Yong-se, membre du bureau politique du comité central du parti et ministre des forces armées populaires, et de Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse.